Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour à vous et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 17 au 23 mai 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, on va passer 3 heures ensemble pour entendre les 40 pièces les plus aimées, les plus appréciées des nombreux animateurs de C'est fou. C'est un top 20 francophone et un top 20 anglophone, ça. Les Palmarès C'est fou, c'est pour ça que c'est les Palmarès C'est fou et non pas le... Hein? La semaine passée, les numéros 1 étaient du côté francophone Vulgaire Machin avec Parasite et en anglo, c'était Lost Compositions avec We've Got Your Back. Est-ce qu'ils trônent toujours au sommet? C'est ce qu'on va savoir d'ici la fin de l'émission dans 3 heures. Hein, c'est vrai. Alors, on a quelques nouvelles entrées. Par contre, avant ça, The Brains et Final Flash vont jouer tout à l'heure, mais on commence avec Carquois. Voici une nouvelle entrée en 20e place. Le bon sens dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. En passant, allez nous écouter en direct. Ça marche, là, sur cifou.ca. Ça marche. Ça marche. Un tollé à la chambre de commerce. Une pilule pour traverser l'averse. Le cafard à la porte. Et plusieurs milliards dans la compote. Le fraudeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris. D'ici c'est difficile de voir le paradis. La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Et les combats des calendriers. Les éclats de larmes sur le plancher, brûlante sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche. J'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid paper efface mon nom. Mais on fait la file comme des cons. Lavé comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. Yeah. sans être très très curieux, je m'intéresse à pas mal de choses et sans non plus écouter des groupes métaux, c'est important de se renseigner, de se diversifier dans son écoute. CFOU est là pour ça. Syntonisez le poste et vous pourrez entendre divers styles musicaux à différents volumes. Crowd. Oh, un énorme bloc de 4 pièces dans les palmarès Ifo. On vient d'entendre la position numéro 19 anglophone. Ça descend de la 6e, c'est Colorado avec Riverside. Ça fait 7 semaines que c'est là. C'était une nouvelle entrée en 19e francophone, The Brains, avec Après cette nuit, de leur album Zombie Nation ou Zombie Nation. Sur myspace.com, barablique The Brains, on apprend que c'est un groupe montréalais, premièrement, et qui sont en grosse tournée européenne en ce moment. Vraiment incroyable. Ils vont passer par Montréal. Ça va être au Foufou d'Électrique le 19 juin à 20h. Avant ça, en 20e place anglophone, c'était la seule et unique nouvelle entrée de ce côté-là, Final Flash avec Chosen Generation de l'album Homeless. Final Flash, leur album est sorti le 4 mai au Canada et puis ils sont au Royaume-Uni dans ces jours-ci, en grosse tournée. Ils vont être à Montréal au Myland le 28 mai, 20h. Mm-hmm. Et avant ça, en 20e francophone, c'était Carquois avec Le Bon Sens, une autre pièce de leur excellent album, Les Chemins de Verre. Et puis eux, Carquois, allez voir myspace.com, barbier Carquois, ou bien carquois.com pour en savoir plus sur leur spectacle. Leur MySpace n'a pas l'air de donner tant que ça les dates de spectacle, mais sur carquois.com, on apprend que les prochains sont en septembre. Une petite pause d'ici là pour l'été, on dit. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, on se condense la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Il y en a beaucoup, 20 de chaque côté de ces pièces-là extraordinaires. On va entendre les positions numéro 18 du côté anglophone, ça descend à 5e place. Et Rocky Erickson avec Occurville River et Bring Back the Past. Mais avant ça, voici Xavier Caffeine qui descend de 10 places avec Darwin au Vatican au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Yeah. numéro 18. Rocky Erickson et Huckerville River avec Bring Back the Past, ancien numéro 5, maintenant position numéro 18 anglophone. Avant ça, c'était Xavier Caffeine avec Darwin au Vatican qui descend de 10 places. Donc, deux grosses chutes pour ces 18e places. Triste. Xavier Caffeine est là depuis 8 semaines alors que Rocky Erickson est là depuis 6. Voilà. On est rendu aux positions numéro 17 maintenant. Du côté anglophone, c'est Dr. Dog avec Stranger qui descend de la 4e. Moi, je ne vais pas bien aujourd'hui. Même chose pour Bravo Funkin qui descend de la 5e. C'est en 17e franco. Voici ta mère va danser. Hey, elle va danser puis elle va se péter à la gueule, hein? C'est avec des chutes de même. C'est avec des chutes de même. Je vais me dire des chutes comme dans ta gueule. Chutes. Retour, Dr. Doug, Cameron Romance, Hot Chip, Arthur H et Michelo dans les Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Vous êtes à C'est Fou 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes à C'est Fou. Numéro 17. Dr. Doug avec Stranger, position numéro 17 du palmarès anglophone. C'est sur l'album Shame Shame. Avant ça, on a entendu Brevo Funkin avec Ta mère va danser. Danser numéro 5. C'est là depuis 8 semaines, je pense que ça tire à sa fin. Elle va arrêter de danser, elle va être épuisée à un moment donné, elle va aller se prendre une petite bière au bord. Alors, on est rendu position numéro 16. Je sais, c'est ridicule, ça n'a même pas de sens, c'est même pas drôle. Du côté anglophone, Cameron Romance avec Out of Luck, ça descend d'une place. Mais avant ça, voici Michel O qui descend de la troisième. Voici Assise dans ma tête. C'est une commotion cérébrale, je pense, rendu là. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89 FM. à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. Turns out Cameron Manzi, Out of Luck, qui descend d'une place en 16e position anglophone. Ça vient de l'album The Parade. Avant ça, du côté franco, c'était Michelot avec Assise dans ma tête. Ça, ça descend de 13 places. Et sur la compilation 14e édition des Francouvertes. Vous êtes dans les Palmarassifouilles. On sent jusqu'au numéro 1, comme on le fait à chaque semaine. Hein. Du côté francophone, c'était Vulgaire Machin la semaine passée avec Parasite. Alors que du côté anglo, c'était Los Campesinos avec We've Got Your Back. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. D'ici là, ben, on a plein d'autres pièces à entendre. On est rendu au position numéro 15. Du côté anglo, c'est Hot Chip avec Harley Katz. Mais tout de suite, voici Arthur H. C'était nouveau la semaine passée. Ça monte donc de 4 places. Voici les 3 petits nains au 89.1 FM. C'est fou. Et je vous rappelle, le stream en direct sur Internet est de retour au cfou.ca. Écoutez-moi ça, ça vient de sortir du four. Ça croustille, c'est tiède, c'est bon comme l'amour. C'est l'histoire véridique de trois petits nains qui en ont marre de tout, qui n'ont plus envie de rien. Ils sont petits à l'extérieur et grands à l'intérieur. Ils ont gros sur la patate et gros sur le cœur. Un jour, y en a un qui dit, mes très chers amis, il faut voir les choses en grand et prendre de la hauteur. Foutons donc le camp loin de cette sacrée baraque, remplie d'immenses tristesses, de souvenirs amers. Cap sur l'inconnu, cap sur les filles nues. Allons découvrir les mystères de l'univers. Oh mes grands amis, ah, la vie c'est comme du chocolat. Du chocolat, c'est comme ça la vie. La vie, c'est comme la vache qui rit. La vache qui rit, c'est comme ça la vie. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Qu'ils décidèrent d'explorer l'Afrique, de découvrir la mer, le soleil et l'amour. Des nuits entières ils devisèrent sur les toits de la Casbah des femmes de la mort de Skoumoun de Baraka. Le Sahara à pied, ça désingue les vieilles idées. Ils en sortirent ardents, téméraires et bronzés. Sous la lune d'Ogon, les trois petits nains muets furent enfin initiés au mystère de l'univers. Ils dansèrent ivres nus sur la plaine desséchée, en chantant à tue-tête ce refrain sacré. La vie c'est comme un grand ping-pong. Un grand ping-pong, c'est comme ça la vie. La vie c'est comme du Bollywood. Du Bollywood, c'est comme ça la vie. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ah, ah, ah, ah. Oh, mes amis, quelle est cette énergie? J'ai l'impression que je grandis. Je n'arrête pas de faire des rimes en i. Suis-je déjà sur terre? Oh, des petits nains a dit, j'ai très besoin de faire l'amour à une femme, l'amour à une femme. Je la veux très blonde, je la veux très grande, et surtout qui sente la rose et la mangue. Les deux autres ont très bien saisi le concept, et comme un seul homme, ils ont déclaré: viens, on va en Scandinavie. Scandinavie, y'a ce qu'il faut pour toi. Quand les trois petits nains bronzés ont débarqué là-bas, toutes les femmes du pays se sont comme évanouies. Ce fut un miracle d'amour et de sensualité. Comme il y en a bien trop peu dans l'humanité, ils firent l'amour à tant de femmes, grandes, blondes, chaudes, blondes, que tous les vikings mâles se sont fait la malle. Ce qui explique qu'aujourd'hui, en Scandinavie, sont de grands nains à la peau bronzée, qui parlent en riant un français parfait, avec une subtile pointe d'accent d'Ogon. Oh mes grands amis, encore une fois,

people are rally cats. I get to thinking about our cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dig worms? The worms. Hot Chip avec Harley Katz, c'est la position numéro 15 du palmarès anglophone. Ça descend de 3 places, 8e semaine de présence. Ça aussi, je dirais que c'est proche de sa fin, mais ça joue tellement encore que ça pourrait coller encore quelques semaines, je dis. C'est sur leur album One Life Stand. Avant ça, du côté Franco, c'était Arthur H avec les 3 petits nains. Ça monte de 4 places, c'était nouveau la semaine passée. Donc, un petit bond vers le haut, petit comme un nain. Hein? Il a l'affaire, le gars, quand même. Alors, on est rendu au position numéro 14 de ces deux palmarès, francophone et anglophone. Je vous rappelle le concept de l'émission, hein, parce que c'est compliqué. Il faut l'expliquer une fois de temps en temps. C'est un condensé de la meilleure musique que c'est faut à vous offrir. Donc, top 20 francophone, top 20 anglophone. Et vers la fin de l'émission, on visite d'autres palmarès comme l'électronique. Alors, on est rendu à la position numéro 14. Comme je disais, du côté anglo, c'est Madcaps avec Hurt You qui monte de 6. C'était nouveau la semaine passée. Mais avant ça, c'était aussi nouveau la semaine passée. Ça monte au-dessus de 6 places. Voici Casse-tête par Damien Robitaille au 89.1 FM. Prends des vacances en ambulance. J'ai besoin de soins à l'urgence. Car comme une bête, je faisais la fête. Et je me suis cassé la tête. Oh, un homme m'entend ce que se déhanche. Je dansais la danse, la négligence. Et la débauche m'a rendu gauche. Yo, il fallait que je me repose. Mais je me suis pendu la figure en fonçant la tête dans un mur. J'ai le chronomètre sur le plancher. Faut le ramasser, faut le recoller. Oh, pièce par pièce, morceau par morceau. Pièce par pièce, morceau par morceau. Numéro 14. position numéro 14, Madcaps avec Hurt You du côté anglophone, ça monte de 6. Même chose pour Damien Robitaille en franco avec Casse-tête. Et c'est la fin de la première heure des Panoramas C'est fou. Il nous en reste deux. Oui, parce qu'on dure 3 heures tout l'été, je vous le rappelle. En direct les lundis entre 15h et 18h. Et on rappelle les vendredis soirs entre 17h et 20h. Ça, c'est comme ça a toujours été depuis un maudit bout. Hein? Bon. Dans la deuxième heure, il va y avoir Waving Hands, Ariel, Fred Fortin, le Sabot Trio, Hunter Valentine, The Pinecones et You Say Party, We Say Die. Restez là. Deuxième heure des Panoramas C'est fou pour la semaine du 17 au 23 mai 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et cette deuxième heure commence avec les positions numéro 13. Du côté anglophone, on va entendre You Say Party, We Say Die avec Dark Days qui monte la 17e. C'était nouveau la semaine passée. On débute avec Waving Hands qui, elle, descend de 11 places. Ça fait 8 semaines que c'est là. Voici Bonne Nuit, mon cœur au 89 FM. C'est fou dans mon cœur. Ah, c'est cute à chaque semaine. C'est redondant, mais c'est cute. As you say, but enemy, mon cœur. numéro 13. Des frères Goyette. Je suis auteur, compositeur et interprète. Lorsque j'écris des chefs-d'œuvre, j'ai besoin de diversité.

get you good on these seats. If we could only find the garden path that should cut through your mind, how far I will go to see you through. It seems so hard to take it, but I know we'll surely make it. Ouais, vraiment, je commence à vraiment. Donc, j'aurais pu dire. Je commence vraiment à penser que je fais des erreurs de débutant, même malgré le temps. Erreur de débutant, mais c'est même pas grave parce qu'on n'en parle pas des erreurs comme ça. C'est à la radio, on ne parle pas de ça. Jamais. Bon. Donc, j'allais dire, oui, vraiment, je commence à vraiment beaucoup aimer The Pine Cones. Je trouve ça vraiment bon. Hein? Ça valait la peine de piler par-dessus la pièce pour ça. Hein? Vraiment. The Pine Cones avec I Think You're Blind, ça monte de 4 places. Et c'est une pièce qui est là depuis 3 semaines seulement et ça monte très rapidement. Semi-relativement rapidement, comparé à d'autres pièces. Hein. Avant ça, c'était Waving Hands avec Bonnie Mon Cœur qui descend de 11 places. C'est pour ça qu'on a joué 4 pièces de suite, hein, parce que quand je parle, c'est pas tellement bon. Hein. Alors, on a entendu la 14e position anglophone juste avant, c'était Madcaps. Non, c'était les 13e, pardon. Qu'est-ce que je disais? C'est ça. Donc, 13e position anglophone, You Say Party, We Say Die avec Dark Days qui monte la 17e place. C'était nouveau la semaine passée. Et avant ça, c'était. Merde. Oh. On s'en fout. On a entendu aussi Fred Fortin avec Madame Rose en 12e franco. C'est pas dans l'ordre nécessairement tout ça. Ouais. C'est ça que j'essaie de parler le moins souvent. On va continuer dans le même esprit. Tiens, on va aller aux 11e position. Du côté anglo, c'est Hunter Valentine avec Treadmills of Love qui monte de 7 places. Ensemble, on va entendre le Sabot Trio avec Rockstar qui monte d'une place. Ouais. Ouais. Vous êtes au Palmarès Fou 89 FM. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir. numéro 11. Kill all my friends, I'm not home. I'd rather go this alone. My mind been blown to pieces. My life an empty thesis. Deux pièces, j'espère être capable de les dire vu qu'il y en a juste deux. You Say Party, non, hey, t'sais, hey, ça commence bien. Hunter Valentine avec Treadmills of Love. On dirait un tout nouvel animateur ici à CFI. Hunter Valentine, Treadmills of Love, ça monte de cette place, c'est en 11e position. Aucun préjugé contre les nouveaux animateurs, là, c'est une blague. C'était nouveau la semaine passée, ça, Hunter Valentine, ou du moins cette pièce-là. Avant, du côté franco, c'était le Sabot Trio avec Rockstar qui monte d'une place. Et c'est là depuis 4 semaines, c'est sur l'album Martini Extract Glaze. Je vais aller refaire mes petits crochets sur la feuille ici pour me dire où je suis rendu. Et voilà le travail. On aime ça. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Condensé de la meilleure musique, de la pure animation. Qu'est-ce qu'il faut à vous offrir? C'est l'édition de la semaine du 17 au 23 mai. Il nous reste quoi? Oh, la moitié du palmarès à entendre. Ça donne très, très bien. On est à peu près à la moitié de l'émission. On adore ça. On va entendre les positions numéro 10 tout de suite. Du côté anglophone, c'est Airborne avec It Ain't Over Till It's Over. Ça monte de 4 places, mais on débute avec Ariel. Ça monte de 6. Voici Après le crime. Au 89 FM, safe fool. Yeah. les yeux cernés dans ma chambre à gaz caché, couché dans le cul avec ma chienne de fille. C'est fou, vous. Dans vos oreilles, vos oreilles. Vous faites ces saisons. Numéro 10. It's over. En position numéro 10, ça monte de 4 places. C'est sur leur album No Guts, No Glory. Avant ça, on a entendu Ariel avec Après le crime. Ça monte de 6 places. C'est la pièce titre de leur plus récent album. Excellence du Ariel. J'aime beaucoup. Alors, on vient de franchir la moitié du palmarès. Donc, il reste les positions 9 à 1 de chaque côté. Je vous rappelle qu'en franco, la semaine passée, numéro 1, c'était Vigard Machin avec Parasite. Alors que du côté anglo, c'était Los Campesinos avec We've Got Your Back. On va savoir si c'est toujours au sommet d'ici environ 1h30. Le temps de vous rappeler le site internet assemblagerequis.com. Vous pouvez aller voir ce qui se passe dans l'émission de la semaine, hein, les pièces qu'on diffuse dans la portion qui n'est pas top 20 franco, top 20 anglo. Il y a aussi la balado diffusion à chaque semaine. Donc allez-y, c'est assemblagerequis.com. Pour l'instant, voici les positions numéro 9. GBH en anglo avec Kids Get Down. Mais avant ça, voici Moussette et les Fauves. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Il est fort. C'était GBH avec Kids Get Down, position numéro 9 anglophone, ça monte de la 13e. Alors ça, c'était Moussette avec les Fauves. Ça monte de 2, c'est leur album Club Alpin. Moussette, moi, j'aime ça. J'arrête pas de le dire, c'est comme si c'était vraiment important, mon opinion sur les pièces ici. Hein, je suis supposé de t'aimer, à la radio, on aime tout, puis tout le monde est bien fin, tout le monde est bien content. Mais bref, Moussette, j'aime bien ça. Position numéro 8 maintenant, du côté anglophone, c'est Charlotte Gainsbourg avec Time of the Assassin qui monte de 2 places. Mais on s'en va entendre avant ça, Tricot Machine, qui monte de 6 positions avec la pièce Un bout ensemble. Ça se passe dans les palmarès assez fous, 89 FM. L'émission où tout est bon parce que c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Si tu penses à peu près comme je pense, on peut faire un bout ensemble. Si je danse à peu près comme tu danses, on peut faire un bout ensemble. L'amitié se transforme en amour de temps en temps. On raconte même que c'est comme ça. Moins bien que tu chantes, est-ce qu'on fait un bout ensemble? Si tu trembles bien moins que je tremble, est-ce qu'on fait un bout ensemble? Pour s'aimer, ça prend si peu de choses, mais the assassin. Charlotte Gainsbourg avec Time of the Assassin, position numéro 8, ça monte de 2 places sur son album RRM. Avant, c'était Tricot Machine avec Un Bout Ensemble et ça monte de 6 places, 4e semaine de présence. Pour la 2e pièce de leur album Défi les rites, on se rappelle que la pièce Défi les rites était dans le palmarès récemment. Parti, puis là, ça a été remplacé. C'est de même, des fois, tu sais, plusieurs pièces de l'album, ça se fait, ça. Ça se fait très bien. Surtout pour des bons groupes, comme Tricot Machine. Vous êtes dans les palmarès assez fous, un condensé de la meilleure musique que Sifou a à vous offrir. Il nous reste environ 1h10 à l'émission, où on va entendre les positions 7 à 1 hein, pour terminer ça. On s'en va tout de suite au 7e, justement. Du côté anglophone, c'est OK Go avec Needing Getting, mais on commence avec les 3 accords qui montent de 3. Voici Nuit de la poésie au 89 FM. Ah! On dirait une chanson de Noël, un peu presque. Presque. Fatigué d'être seul et que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à poids. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi. Tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je nous les mains pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps de jeune fille. Hey, vous me croirez jamais, vous me croirez pas, mais c'était pas Nuit de la poésie des trois accords. Non, c'était une pièce obscure là, qu'ils appellent Dans mon corps. Ah, d'accord. On va entendre les trois accords avec leur vraie pièce qui est dans le palmarès Nuit de la poésie. Ah, ouais. Ça commence dans les prochaines secondes, je vous dirai, au 89 FM. Hein? Ouais. S'assurer de mettre la bonne, c'est bien celle-là. Oui, bon, pain subitant.

Mais entendre les 7e position, ça c'était OK Go avec Needing Getting qui monte de la 11e place. Avant c'était les 3 accords avec Nuit, la poésie qui monte de 3 places. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Et ça, ben, c'est la fin de la 2e heure. Il nous en reste une 3e. Par contre, avec le top 6, on va entendre entre autres Ashigam, Metagruo, le Husky, Viga, Machin, Blanc, Lindan, Plants and Animals, Yes, Sayer, Danko Jones, Tegan and Sarah, Zeus et Los Campesinos. La semaine passée, les numéros 1 étaient Los Campesinos et les Viga, Machin. Et on va savoir dans un peu moins d'une heure si c'est toujours ça. Alors, restez avec nous, c'est les palmarès, c'est fou. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. T'es sûr de gagner. Vous êtes de retour dans les palmarès, c'est fou, c'est la 3e heure de cette édition pour la semaine du 17 au 23 mai 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et dans la 3e heure, on va entendre les positions 6 à 1. Oui, on va se compléter ça là parce qu'on a entendu les positions 20 à 7. Hein. À un moment donné, faut de la suite dans les idées. Hein. Position numéro 6 anglophone, c'est l'ancien numéro 1 de la semaine passée. Malheureusement, on commence la 3e heure par une très mauvaise nouvelle pour Los Campesinos avec We've Got Your Back. On commence en francophone, ça monte de 3. Ici donc, meilleure nouvelle, voici Radio Radio. Et cargué dans ma chaise. Sur C'est Fou, 89.1 FM. So sit back, relax. Toto, favorite lazy boy recliner chair. Mm-hmm. Put your back. Just a drop of bounce. That's all I bet you. Prime, I left over, she deft on back, down fuck a burn act. Sur le catwalk, text my laptop. La nuit est calme, faut j'en presse les dames avec ma lazy walk, lazy boy, j'm'enjoy. Une bonne petite drink, saying I'm enjoy. All inclusive, non intrusive. Jose, jose, jose, jose. Cargué dans la chaise, à la sortie de la maze. Belle smile, belle plume, t'es centre à l'aise. Dear quest, tu veux, sick tu veux. Security est clear, this a touch of pay. Rolling belle smile, belle plume, sans balai. Lagos, Porto, I'ma fly away. 33 journée, y'a pas coréen. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. Sur les sept, c'est mon lazy boy. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise. Jose, Jose, Jose, Jose. Cargué dans ma chaise, le gars est à l'aise. Le feu qui brasse, puis il check out la braise. Les temps s'en vont, super duper bon. Cargué dans ma chaise, super duper freaky bon. C'est le two step front, le one step back. Shake ton juice with it out, relax. C'est le two step front, le one step back. Shake the cheese with it out, relax. Dinner in the sun, saying bunny day. Y'a de la place sur le couch, petit test de lait. Jose, Jose, Jose, Jose. Il faut des mal de mal, petit test de lait. She relaxed, they relaxed, they relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. She relaxed, they relaxed, they relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. Jose, Jose, Jose, Jose. On est cargué dans ma chaise, cargué dans ma chaise.

Deacon and Sarah avec The Ocean monte de 3 places, c'est en 5e position anglophone. Avant, c'était Vulgar Machin avec Parasite, l'ancien numéro 1 de la semaine dernière, dommage. Avant, en 6e place anglophone, c'était Los Campesinos avec We've Got Your Back, l'ancien numéro 1 anglo. Et au début du bloc, c'était Radio Radio avec Cargill en ma chaise qui monte de 3 places. Voilà donc pour ce bloc de 4 morceaux. Alors, on continue avec les 4e positions tout de suite. Zeus est en anglo avec How Does It Feel, mais voici tout de suite Ashiga qui monte de 2 avec Devenir Poisson. Abalubalu, ce n'est pas d'arrêt, c'est fou. Yeah. Does It Feel par Zeus, position numéro 4, ça monte de la 9e place en anglo. Avant ça, c'était Ashigan avec Devenir Poisson qui monte de 2 du côté francophone. C'est sur leur album Au fond des toilettes du monde. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est quelque peu, à peine pressé. On entend tout de suite les positions numéro 3. Du côté anglo, c'est Yes Sayer avec O-N-E qui monte de la 7e. Mais tout de suite, ça monte aussi de la 7e. Voici le Ski et Maison Hantée au 89 FM, c'est fou! I'm not afraid. numéro 3. Yes, et eux avec la pièce O&E, position numéro 3 anglophone, précédée de Loski avec Maison Hantée qui monte aussi de la 7e place. Les deux sont là depuis 5 semaines, donc elles se suivent et elles se ressemblent, ma foi. On est rendu position numéro 2 du côté anglo, ça monte d'une place, c'est Plants and Animals avec The Mama Papa. Mais on débute avec Vlandindan avec Mes Meilleurs Amis, ça monte de 2 places au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou. Et après ça, ben, ce sera nos numéro 1. Ben oui, déjà. The first time they only did it to say that they had done it. et en première position. c'est la position numéro 1 du palmarès anglophone. Avant de dire les numéro 1, faisons un petit récapitulatif. Tiens, du côté anglo, en troisième, c'est Yes Ayer avec O.N.E. En deuxième, Plants and Animals avec The Mama Papa. On vient d'entendre Danko Jones en première. Ça monte d'une place. La pièce, c'est I Wanna Break Up With You. En anglo, en troisième, c'est Husky avec Maison Hantée. En deuxième, Vlandaida avec Mes Meilleurs Amis. En première, c'est Corvette avec de Meta Gruau. Voilà. On n'a rien fait du reste du contenu. Hein. Je vous ai pas dit que dans le top 30 des CD, il y a une nouvelle entrée en 19e. C'est Final Flash qu'on retrouve aussi dans le top anglo avec l'album Homeless. En 3e, c'est Yes Ayer. 2e, Plants and Animals. Et 1er, Danko Jones. Pareil comme dans le top 20 anglo. Dans le top loud maintenant, il n'y a pas de nouvelles entrées. En 3e, ça monte de 2, Dark Tranquility avec We Are The Void. En 2e, ça monte de 1, Rusted Dawn avec The Black Tides of War. Et en 1er, c'est stable, Bison BC avec Dark Ages. Alors, on se quitte avec une pièce du palmarès électronique. Je vais vous en parler de ce palmarès. Il n'y a pas de nouvelles entrées. En 3e, on va entendre l'album Cannot Walk, Fly Instead de Zagar. On va entendre la pièce Escape from the Earth de cette formation hongroise. En 2e, c'est New Young Pony Club avec The Optimist. Et en 1er, Uncle avec Where Did the Night Fall. Donc, on se quitte avec Zagar. Et la pièce Escape from the Earth de l'album Cannot Walk, Fly Instead. Moi, je vous dis, à la semaine prochaine, on se retrouve lundi entre 15h et 18h en direct. On rappelle les vendredis soirs à 17h. Et j'en ai aussi Assemblage requis les jeudis à 15h. On rappelle les samedis à 16h. Les Têtes de l'Enfer vont suivre pour les auditeurs du vendredi. Sinon, le lundi, c'est Simon Fitzbé. Ah non, en fait, il n'y a pas d'émission de Simon Fitzbé aujourd'hui. Le genre de bleu, c'est vrai. Ouais. Donc, à la semaine prochaine pour lui. Bye bye! Hein? Oui? Bye bye, comme un clown. C'est bye bye. Un chien, peut-être. Une marionnette. Une marionnette. Ah oh, oui, une marionnette pour enfant. Bye bye, les amis. Hey, Simon, je vous ai menti. Simon, il s'en vient, gars, il est là. Tel une marionnette à bas. C'est la semaine prochaine que j'avais pas là. J'étais tout le temps là. Tu dors ici, ouais. Ouais. Il mange les chaises d'ailleurs, comme un animal de compagnie.